Même en zone verte, les mesures sanitaires vont continuer. Voilà le sujet de cette capsule audio. Ici, je vise à faire un commentaire sur l'actualité là, en lien avec la crise du coronavirus, plus spécifiquement en relation avec la réalité québécoise. Donc, je tiens à vous en avertir là, d'entrée de jeu. Donc, l'essence de mon propos aujourd'hui, c'est de vous amener à réaliser que nous sommes dans un engrenage particulier où le retour à la normalité d'avant-crise n'est pas prévu. Donc, par rapport aux différentes régions du Québec, il y a eu le passage là, récemment de certaines régions qui étaient en zone rouge à orange. Donc, ici au Québec, il y a un palier d'alerte. Avec différents critères, donc s'il y a beaucoup de cas, une zone peut être rouge, ensuite elle peut tomber en orange s'il y en a un peu moins, ensuite jaune et verte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si le nombre de cas diminue, de gens atteints du coronavirus et que des zones deviendraient éventuellement vertes au Québec dans quelques semaines, quelques mois, voire à l'été, où habituellement il y a moins de transmission là, de virus, bien, ça ne représente pas pour autant la fin de la crise sanitaire et de l'imposition des mesures. Si vous allez sur le site Internet officiel du gouvernement du Québec, je vais vous donner le lien, vous allez retrouver un graphique qui vous parle des différents paliers d'urgence et que même en zone verte, les mesures sanitaires que sont la distanciation physique, donc être à 2 mètres des autres, le port du couvre-visage, etc., vont rester pareilles. Donc, faut bien réaliser que le gouvernement présent nous a mis dans un engrenage où il n'y a pas de sortie de crise de prévu. Donc, même si la situation s'améliore, parce que les gens peuvent croire « Ah ben, je vais faire attention pour respecter les mesures parce que ça va permettre de diminuer le nombre de cas pour éventuellement qu'il y ait une sortie de crise. » Mais c'est pas ça qui est prévu dans l'agenda. Si vous allez sur le site Internet du gouvernement, c'est ça, vous pouvez bien beau là, faire attention, là, c'est bien correct, mais le point, c'est que la diminution du nombre de cas, c'est pas prévu que ça soit la raison qui permettrait la sortie de crise. Et c'est ça qui est particulier, là. Qui est très aliénant pour les gens, là. Donc, c'est sûr qu'on va nous dire, « Ah, ben c'est lorsque les gens vont être vaccinés que ça va représenter un relâchement des mesures ou une sortie de crise. » Mais encore là, pour les gens qui sont vaccinés présentement au Québec, bien, ces gens-là se font dire qu'ils doivent respecter pareil les mesures sanitaires parce que le vaccin, entre guillemets, fait en sorte qu'ils peuvent, pareil, attraper le coronavirus et le transmettre. Donc, la vaccination actuelle, dans le fond, ne représente pas la sortie de crise. Mais là, il y a des gens qui vont dire, c'est parce qu'il n'y a pas une masse critique de gens vaccinés. On verra bien si, lorsqu'il y aura une masse critique, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes présentement dans un engrenage où il y a un enlisement dans la crise. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, on assiste à l'émergence d'une nouvelle normalité depuis un an. En fait, au moment où je vous parle, ça fait un peu plus d'un an que le gouvernement du Québec gouverne par décret en prolongeant tous les deux semaines l'urgence liée à la crise sanitaire. Donc moi, je trouve ça totalement abusif, exagéré. Donc, et c'est sûr que j'ai l'impression que certains responsables du gouvernement qui y prennent goût. Et ce qui devait être temporaire est en train de devenir permanent. Et c'est sûr que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Et c'est sûr qu'au début de la crise, on nous dit « Ah, c'est juste une crise, c'est juste un état d'urgence pendant deux semaines où on confine les gens. » Et puis finalement, le confinement est devenu un mois. Puis finalement, il est devenu plusieurs mois. Il y a eu une petite pause pendant l'été, puis retour au confinement. Donc, il y a une prolongation de la crise. Et ça me faisait penser un petit peu à ces films à caractère humoristique, hein, de plusieurs qui ont été faits, où, vous savez, vous avez une famille qui reçoit un membre de la famille. Ça peut être, par exemple, un oncle, ça peut être un enfant qui va vivre chez eux, mais c'est pour dépanner de manière temporaire. La personne n'est pas supposée rester là longtemps. Et souvent, à travers certains films à caractère humoristique, ben finalement, la personne qui était là, qui était censée être là d'une manière temporaire, ben ça se prolonge dans le temps, puis ça se prolonge dans le temps. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient vu le film humoristique par rapport au temps des fêtes, la période de Noël. En québécois, le titre, c'est « Le sapin a des boules ». En anglais, « Christmas Vacation », mettant en vedette Chevy Chase. C'est un film là, des années 90, donc ça remonte quand même il y a longtemps. Mais à travers ce film-là, bien, c'est une famille aux États-Unis qui, pour le temps des fêtes, vont recevoir un oncle qui se présente de manière imprévue avec son véhicule motorisé. Et pour faire avaler la pilule, ben c'est sûr que la mère de famille dit « Ah, c'est juste temporaire! » Et puis là, il reste là pendant un certain nombre de temps. Là, ça crée des tensions, naturellement. Et c'est la crise sanitaire, je la vois un petit peu comme ça. C'est qu'on nous dit pour nous faire avaler la pilule « Ah, c'est juste temporaire! » Mais là, finalement, quand on regarde les critères en lien avec la sortie de crise potentielle, parce qu'il y a des gens qui peuvent croire « Ben là, quand on va être en zone verte, ils vont nous ordonner nos libertés comme avant. » Non. C'est pas ça qui est indiqué sur le site du gouvernement. Puis vous allez pouvoir regarder le lien là, qui se rapporte à ça, là, le lien web que je mets en bas de l'enregistrement à présent. Et c'est sûr que l'idée de nous vendre l'idée que c'est temporaire permet d'accepter des choses qui, autrement, il y en a beaucoup d'entre nous qui accepteraient pas. Et c'est la même chose par rapport au phénomène du port des masques là, en zone rouge pour les jeunes enfants. Donc, à partir du primaire, donc l'idée, c'est qu'on dit aux parents « Ah, ben c'est temporaire que les jeunes vont porter des masques à l'école du primaire. » Et puis finalement, ben les jours passent. Et moi, j'ai l'impression que l'histoire de tout le temps dire « c'est temporaire », c'est pour empêcher des gens de faire des retours contre le gouvernement. Parce que, tu sais, quelqu'un ne va pas, par exemple, dépenser de l'énergie, de l'argent en grande quantité pour, par exemple, faire une poursuite sur une mesure qui dure à peine 2 semaines. Parce que, dans le fond, est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie pour quelque chose qui ne dure pas longtemps? Mais le problème, c'est qu'est-ce qui était censé durer 2 semaines ou quelques jours peut être prolongé pendant 1 mois, pendant plusieurs mois, et une longue période de temps. C'est tout le temps ça l'affaire. Et pour ce qui est du port du masque sur les enfants, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, moi, j'imagine des enfants là, au primaire qui sont à l'âge d'apprendre à lire. Et pour lire d'une manière adéquate, ben, il faut être capable d'articuler, de projeter correctement la voix, d'être capable de poser la voix lorsqu'on lit, de dire bien les choses. Donc, imaginez des enfants dans une classe qui ont à apprendre à lire avec un masque à la figure. Pour moi, ça fait pas de sens. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais depuis que ça a été adapté là, pour une bonne partie des enfants au Québec, hein, parce que c'est Montréal et les villes environnantes, il y a eu quelques parents qui se sont opposés à ça, mais ça demeure mineur et ça n'a pas fait renverser la vapeur, là, naturellement. Donc, les mesures... dans certains cas, ont augmenté. Et on verra bien qu'est-ce que ça va donner sur le développement, par exemple, des jeunes. Est-ce qu'il va y avoir plus de jeunes par la suite qui vont consulter des orthophonistes pour des difficultés d'articulation, à essayer de les amener à parler correctement avec le masque à la figure à jour des longues? On verra bien. Sinon, bien, c'est sûr que je trouve ça totalement ridicule de demander à des jeunes enfants qui ont 6 ou 7 ans d'apporter un masque parce que lorsqu'on porte le masque, normalement, il faut respecter des règles très strictes. Là. Il faut se laver les mains avant de mettre le masque. Ensuite, lorsque la personne retire, qu'elle se relave les mains. Ensuite, il ne faut pas que la personne joue avec le masque au visage. Il faut qu'elle évite de le déposer sur des objets qui pourraient être souillés de coronavirus ou des espaces communs où les gens déposent des choses ou ce qui peut avoir de la contamination. En fait, il y a tellement de règles à respecter, que ça devient extrêmement lourd pour, j'imagine, là, des professeurs de gérer ça d'une manière adéquate. Donc, en tout cas, on verra bien là, qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr qu'on est dans une hypnose de masse présentement depuis plus d'un an. Le gouvernement, c'est sûr qu'ils se maintiennent au pouvoir depuis ce temps-là. Le gouvernement, gouvernant par décret, moi, c'est sûr que je vois derrière ça une forme de dictature sanitaire. Il y a des gens qui vont dire, là, t'exagères, c'est pas une dictature. Oui, mais quand le gouvernement impose des lois, surtout des lois qui ne respectent pas nécessairement les consignes de la santé publique. D'ailleurs, j'ai un point en commun avec François Legault. C'est que le docteur Arruscio Arruda, je ne suis pas tout le temps d'accord moi non plus pour l'écouter. Parce que le directeur de la santé publique a fait des propositions à François Legault, comme par exemple de permettre aux familles d'aller dans les restaurants pendant les derniers mois. Les gens de continuer de s'entraîner en salle parce que les avis de la santé publique, c'était pas de faire un confinement aussi strict qu'on a connu pendant l'hiver 2020-2021. François Legault a décidé d'une manière unilatérale de pas suivre les directives scientifiques puis de faire à sa tête pour faire plus de mesures. Donc, en faisant ça, il a discrédité Horacio Arruda, qui dirige la santé publique québécoise en relation avec ses recommandations. Donc, il ne lui reconnaît pas nécessairement trop d'importance. C'est sûr que tout ça, c'est très particulier, ce qui se passe présentement. C'est sûr que si j'étais un extraterrestre et que j'aurais une curiosité à caractère sociologique pour voir comment les gens réagissent en lien avec la crise, c'est sûr que je trouverais ça extrêmement intéressant d'étudier comment les individus des différents peuples par rapport à l'imposition de mesures au nom d'une menace sanitaire réagissent. Ça serait une étude très intéressante. C'est sûr, en lien, qu'est-ce qui se passe? On pourrait faire des émissions de type testées sur des humains. On fait des tests avec des êtres humains en les exposant à des choses inhabituelles. Puis on regarde qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que présentement, il y a beaucoup de changements qui se passent en société et toutes sortes de réactions. Si on regarde par exemple le domaine du cinéma au Québec, pendant la période des dernières semaines, les cinémas, si on pense mois d'hiver, le mois de janvier, mois de février, les cinémas étaient fermés. Là, il y a eu l'ouverture, la réouverture des cinémas qui a eu cours il y a quelques jours. Par contre, si quelqu'un va au cinéma, il faut qu'il soit à 2 mètres des gens qui ne font pas partie de son unité familiale. Donc, à ce moment-là, le plaisir d'aller au cinéma avec des amis, on oublie ça, pour discuter avec eux à proximité en attendant que le film commence ou après le film. Et aussi, les gens, lorsqu'ils vont au cinéma, sont obligés de porter le masque, donc le couvre-visage, et ils n'ont pas le droit de boire ou de manger pendant le visionnement du film au cinéma. Donc, en mettant toutes ces contraintes-là, au nom de la menace du coronavirus, ça donne pas le goût d'aller au cinéma, hein? Moi, personnellement, je préfère rester chez moi à écouter des films devant ma télévision plutôt qu'avoir un masque dans le visage. Avoir un masque dans le visage, j'ai l'impression d'être en prison. Ensuite, tu m'empêches de manger du popcorn ça peut être une barre de chocolat ou boire du jus pendant le film. il n'y a plus les gâteries. Puis ensuite, il faut que je sois à 2 mètres des gens qui ne font pas partie de mon unité familiale, ça crée une lourdeur. Donc, de toute façon, je n'allais pas souvent au cinéma, j'allais peut-être une ou deux fois par année, mais les mesures sont tellement strictes que ça a réussi à me dissuader d'aller au cinéma, d'y retourner. Donc, je ne sais pas si les gens qui s'occupent des cinémas vont connaître une grande baisse d'achalandage ou les gens vont se soumettre à ça. Étant tanné d'être chez eux pour trouver un prétexte pour de sortir de la maison. Mais ça fait voir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ça pourrait donner place à une étude sociologique sur la fréquentation des cinémas au Québec suite à l'imposition des mesures sanitaires et de voir la réaction des individus en tant que collectif. Donc ça pourrait être un sujet d'une thèse de doctorat. C'est sûr que présentement, les sociologues qui étudient la société, ils ont beaucoup de matériel. S'ils veulent faire de la recherche là, sur le comportement, il y aurait plein de sujets là, pour faire des doctorats. Le rapport à la mort t'empêche, par exemple, des gens de voir une personne en train de mourir dans une résidence. Il y a eu le cas, là, une personne qui était... dans une résidence pour les gens qui sont sur le point de mourir. Et comme elle ne pouvait pas rencontrer plusieurs membres de sa famille à cause des règles, il a fallu qu'elle soit sortie dehors à l'extérieur, alors qu'il fait encore froid dehors, pour les voir, les différents membres de sa famille. C'était ça ou rien à cause des règles sanitaires qui sont strictes. Donc, une personne qui était sur un lit d'hôpital, la personne était sur le point de mourir dans quelques jours, est obligée d'aller à l'extérieur au froid hivernal. Donc, c'est très déshumanisant pour avoir le privilège de voir pendant quelques instants les membres de sa famille. Donc, on en vient avec des comportements comme ça. Et c'est l'hypnose de masse qui rend ça possible. Puis plus que le temps avance et plus qu'on induit dans l'esprit des gens que le virus est une menace, que la crise est grave, même si le nombre de cas diminue, et plus que ça amène à engendrer l'acceptabilité sociale de mesures qui, autrement, les gens de la population n'accepteraient pas sans protester. Donc, c'est de voir le mécanisme qui est en cours. Et comme je l'expliquais récemment avec une personne, ce qui est particulier là-dedans, c'est que le gouvernement, à coût de millions, à chaque mois, nous fait des campagnes publicitaires en relation avec la crise du coronavirus pour nous rappeler que la crise est là et nous impose des mesures. Donc, autrement dit, à chaque fois qu'on paie des taxes, des impôts, il y a une partie de l'argent qui est prélevée pour être utilisée pour nous convaincre de la menace du virus. Donc, pour nous hypnotiser, pour nous conditionner socialement. Et c'est sûr que le conditionnement devient de plus en plus lourd, de plus en plus rigide. Et la censure également là, devient de plus en plus grande en parallèle là, sur le web. Donc, il y a eu de la censure qui a été faite là, par rapport à des gens qui s'opposent ou qui vont critiquer la vaccination. C'est sûr que par rapport à ça, pour ne pas être censuré, eh bien, j'en parlerai pas ici de ce que je pense là, par rapport au vaccin. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Odyssey, qui est un réseau où il y a une grande liberté là, par présentement là, de diffusion web. Et allez voir, entre autres, la chaîne qui s'appelle Média Info Cité TV et écoutez les propos de Stéphane Gay, qui est microbiologiste. Donc, lui, a une formation en microbiologie et en relation avec les différents types de vaccins qu'on cherche présentement à amener la population là, à avoir. Il dit des propos extrêmement, là, je trouve, intéressants, en tout cas qui méritent d'être pris en considération. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Et c'est sûr que la nouvelle ère dans laquelle on est entré, elle est particulière parce que on assiste à des changements de société importants qui se passent très rapidement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que autrefois dans le passé, ce qui pouvait représenter la menace pour des pays, c'était la guerre nucléaire. Et il y a plusieurs années, dans les années 90, là, j'avais entendu un professeur d'histoire dire que dans l'avenir, la menace, ça serait de nature bactériologique. Dans le sens que, à la différence d'une guerre nucléaire qui pourrait endommager des infrastructures physiques comme, par exemple, des maisons, des entreprises, puis amener une pollution considérable hein, avec la radioactivité, bien, s'il y avait une guerre bactériologique, puis les gens se mettaient à mourir, puis à être contaminés, bien, à ce moment-là, les infrastructures demeurent. Donc, le pays belligérants pourraient prendre possession d'un autre pays. Les infrastructures sont toutes intactes, sauf que les gens sont morts. Donc, ça serait la nature d'une guerre au niveau bactériologique par rapport à des bactéries qui sont des organismes vivants. Mais si on va plus loin dans la même lignée, on peut envisager le scénario de la menace virologique. Autrement dit, qu'il y aurait des virus qui seraient utilisés pour éliminer certaines parties de la population. Et c'est sûr que si on va plus loin, ben on peut parler de guerre virologique ciblée. Par rapport à ça, j'ai été stupéfait en écoutant la télésérie qui s'appelle sur Netflix, que vous pouvez y retrouver sur cette plateforme où il y a des films, des épisodes de télésérie qui sont présentés, là, web, là. Ça s'appelle Designated Survivor. Donc, le survivant désigné. Et il y a trois saisons. Puis, au fil des jours, je me suis mis à écouter les saisons. Au début, c'était une intrigue politique. Donc, c'est sûr que si vous voulez pas que je vous dévoile des punchs par rapport à cette série, je vous propose de mettre sur pause maintenant l'enregistrement que vous écoutez, là, naturellement. Parce que sinon, moi, je me permets de dévoiler certaines choses. C'est que par rapport à des années de Survivor, bon, je me suis dit, je vais écouter ça en période de crise de coronavirus, ça va me permettre de me changer les idées. Puis au début, l'intrigue, c'est est-ce que c'est le Congrès ou la Maison-Blanche? En tout cas, un des deux a été attaqué aux États-Unis. Donc, par la suite, ce qui est arrivé, il y a eu un attentat là, incroyable. Et par la suite, l'intrigue tourne alentour de ça. Donc, c'est qui a amené cet attentat-là où l'essentiel des membres du gouvernement ont été tués et qu'il ne restait plus que le survivant désigné qui a été nommé le président des États-Unis là, pour faire face à la situation, pour qu'il y ait au moins quelqu'un en poste. Et l'intrigue, la première saison, tourne alentour de ça. Ensuite, une deuxième saison où bon, l'intrigue là, tourne alentour des problématiques auxquelles le président des États-Unis dans la gestion du pays peut être confronté. Ça peut être des fuites d'informations, donc différents problèmes avec d'autres pays, etc. Et ça, c'est quand même intéressant. Sans doute quelqu'un qui voudrait devenir président des États-Unis ou dirigeant politique pourrait trouver intéressant d'écouter ce type de télésérie-là parce que ça présente comment que des gens au pouvoir peuvent réagir par rapport à certaines problématiques, puis ça nous présente des solutions. Puis par la suite, dans la troisième saison de Designated Survivor, il est question de la menace virologique. Et là, ça, c'est pendant plusieurs épisodes. Et là, on parle d'une menace virologique très sophistiquée. C'est-à-dire qu'on évoque dans la télésérie, c'est de la science-fiction, là, naturellement, là, le scénario où il y aurait un virus qui serait propagé aux États-Unis pour éliminer spécifiquement là, les gens qui ont une certaine couleur de peau et ça servirait un dessein politique. C'est-à-dire que dans le scénario qui est naturellement fictif dans la télésérie, eh bien, les républicains voyant le nombre de personnes de couleur peau blanche diminuer au fil des ans, alors que les gens là, de nationalité là, d'origine hispanique, les gens qui ont la peau bronzée ou les gens noirs augmentent, donc eux autres ont eu peur que leur électorat habituel, les blancs, en diminuant, ça ferait en sorte qu'ils ne seraient pas réélus dans les prochaines années, auraient mis en place, eh bien, avec une entente avec certains bioterroristes, La propagation là, d'un virus pour éliminer spécifiquement les gens qui n'ont pas la peau blanche aux États-Unis. Bien sûr, c'est un scénario d'horreur et de science-fiction. Et une bonne partie des épisodes tourne alentour de la menace du virus. Et moi, j'ai été surpris de voir ces épisodes parce que, premièrement, ça a été fait avant la crise du coronavirus. La télésérie date d'avant de l'année 2020. Et on met beaucoup l'emphase sur la menace du virus. Et c'est comme dans la télésérie, on fait allusion à différentes menaces. C'est comme si, par rapport à l'époque présente, eh bien, la menace nucléaire était moins pertinente. Et là, avec le développement en matière génétique, c'est elle qui devient la menace de plus en plus grande auquel pourraient être confrontés les États-Unis. Puis on met l'emphase là-dessus parce que il y a différentes menaces là, dans le fond, sont présentées. C'est souvent des fuites d'informations à l'heure des médias sociaux. C'est souvent des menaces, des conflits entre des individus importants, des individus clés. Ensuite, des menaces qui peuvent venir de d'autres pays. Mais là, la menace sur laquelle on met beaucoup d'emphase, c'est celle du coronavirus, d'un virus, pardon. C'est pas nécessairement un coronavirus, mais un virus. Et ça se passe quelques mois, dans le fond, où a été faite cette télésérie-là avant la crise du coronavirus. Et c'est quand même particulier, mais je dois reconnaître en écoutant la télésérie, si vous ne l'avez pas écouté, ça peut valoir la peine de la visionner. À quelque part, ça tombe à pic parce que en effet, la menace actuelle auquel on met beaucoup d'emphase dans les médias, c'est celle-là. Puis dans la télésérie, il est question de mesures de confinement par rapport au virus. Moi qui cherchais à me changer les idées en écoutant ça, ouais. C'est particulier. Sinon, je voulais vous proposer aussi d'écouter la télésérie sur Netflix, si ce n'est pas déjà fait, qui s'intitule Colony. Donc, c'est l'histoire aux États-Unis, encore une fois, où se déroule l'action d'une invasion extraterrestre là, qui se produit là, et plus particulièrement à Los Angeles, qui devient une colonie en relation avec des extraterrestres. Et en écoutant la première saison de la télésérie, eh bien, ce qu'on voit, c'est des gens là, qui fonctionnent dans une société avec des mesures, un peu comme nos mesures de confinement. Il y a le couvre-feu et un peu comme on voit présentement en Chine. D'ailleurs, sur ART, il y a eu un documentaire là, qui est disponible là, à ce sujet là, sur YouTube où on voit que des gens, pour passer d'une zone à l'autre, eh bien, ils doivent présenter un document, un peu comme le code QRP qui doit être scanné là, en Chine là, pour passer d'une région à l'autre. Et c'est pas de la science-fiction. Là. En Chine, on est rendu là. Les gens ont leur badge pour passer ou leur téléphone cellulaire, devrais-je dire, puis il doit être scanné pour passer d'une région à l'autre dans l'optique d'éviter la contamination de coronavirus. Et dans la télésérie, il y a aussi des zones vertes où des zones. Là, ça me faisait penser un peu à nous autres au Québec avec nos histoires de zones vertes ou des zones qui sont comme moins à risque. Mais il y a des soldats un peu partout, puis les gens vivent dans un état policier, une forme de dictature, et qui est mise en place au nom de la menace des extraterrestres. Donc, l'idée de la télésérie, c'est que les extraterrestres ont envahi la Terre, ils ont pris le contrôle, puis grâce à des technologies de surveillance comme des drones, ils vont espionner, surveiller les citoyens un peu partout. Et en écoutant la télésérie, il y a un épisode qui passe. Je vois pas les extraterrestres. Deuxième épisode qui passe, je vois toujours pas. Puis là, il y a encore des épisodes qui passent, puis on les voit jamais. Et c'est sûr que ça me fait penser un peu qu'est-ce qu'on vit présentement. On nous parle toujours de la menace d'un coronavirus, mais c'est une menace qui est invisible. On les voit pas. Et c'est comme tout est fait au nom de la menace, puis la gravité, puis tout, mais ça demeure une menace abstraite qu'on nous vend à travers les médias, dans le sens que des gens qui, dans le fond, vont s'effondrer par terre, comme c'était présenté en passant là, au mois de c'était au mois de février, au début de l'année 2020, notamment là, une vidéo qui a été présentée là, sur le site de Radio-Canada où on voyait quelqu'un en Chine étendu au sol avec le masque au visage et des individus habillés avec des combinaisons déplacer le cadavre pour nous suggérer l'idée que la personne a été foudroyée par le coronavirus, un peu comme quelqu'un qui fait une crise cardiaque, puis la personne s'est rendue morte au sol comme ça pour nous faire peur. Des gens comme ça, on n'en voit pas là, dans les rues, là. Des jeunes enfants là, qui ont 6 ans ou qui ont l'âge de porter les masques en classe au primaire qui meurent du coronavirus, on n'en voit pas. Comment dire, si on cherche tant ça à nous faire convaincre qu'une menace liée au coronavirus, parce que quelque part, c'est pas nécessairement une menace qui est évidente, dans le sens que si c'est une menace qui est directe, comme par exemple une inondation, À ce moment-là, on la voit, là, l'inondation. Là, si on voit que toutes les berges d'un endroit sont inondées, on n'a pas besoin de dépenser des millions de dollars pour nous convaincre que c'est une menace pour la civilisation. C'est évident. Donc, vous comprenez où ce que je veux en venir. C'est-à-dire que la menace du coronavirus, c'est quelque chose d'abstrait qui peut amener des gens à accepter des mesures qui, autrement, n'accepteraient pas. Un peu comme dans la télésérie Colonie, il est toujours question que les gens doivent se soumettre à un couvre-feu et sont surveillés un peu partout avec des drones. Bon, nous autres, on n'a pas des drones encore là, qui se promènent là, un peu partout là, au Canada, comme dans la télésérie. Mais il n'en demeure pas moins que il y a des zones dans le monde où il y a des drones pour surveiller les gens qui existent. Et si on pense à la Chine avec le système de caméras de surveillance, ben ça fait penser un petit peu à ça, qui est un peu partout. Donc, des fois, la science-fiction va traduire des états en lien avec la réalité. Comme là, dans la télésérie Colonie que j'écoute, la tension dramatique. Par rapport à la menace potentielle des extraterrestres, qui au fil des premiers épisodes, on les voit pas, et tout le temps palpable. Puis là, à cause de ça, ben, les gens doivent se soumettre à des mesures. Et ça donne quasiment l'impression que l'histoire des extraterrestres qui menacent, c'est un prétexte pour certains êtres humains sur Terre de prendre le contrôle de d'autres. Et la manipulation est à travers la peur de la menace. Quelqu'un qui a peur, on peut y faire n'importe quoi. Et comme le dirait le docteur Horacio Arruda, la peur permet de faire des choses qui n'ont crissement pas d'allure. Il utilisait un juron pour parler de ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'était les suggestions de télésérie que je vous propose là, en fin de capsule. Sinon, ben, je suis toujours l'évolution de la crise. Des fois, je trouve ça ridicule, là, qu'est-ce qui se passe. Là. Bon, un an après la crise, il y a eu, entre autres, François Legault, qui est le premier ministre du Québec, qui a été interviewé là, par rapport à sa gestion de crise par Pierre Bruno de TVA, donc l'animateur vedette. Et il lui a posé la question, depuis un an de gestion de crise, Monsieur Legault, avez-vous des regrets? Et à ma grande surprise, il a répondu oui. Il dit oui, j'aurais pas dû faire miroiter là, pendant le temps des fêtes que les gens pourraient se réunir quelques semaines à l'avance. Donc il a dit ça. Il n'a pas dit d'autre chose. Puis, dans le fond, l'entrevue, c'était pour dire, ah, il est ouvert à un questionnement critique, mais en même temps, il répond quelque chose qui ne met pas les pieds dans la baraque. Puis le journaliste, il n'a pas sous-questionné. Si j'avais été à la place du journaliste, j'aurais dit, OK, vous pouvez regretter ça, qui est mineur, qui ne vous fait pas vraiment mal paraître, mais vous ne regrettez pas la mauvaise gestion qui a cours dans le réseau de la santé, qui a fait en sorte que des gens ont manqué de nourriture, d'accès à l'eau dans des résidences de personnes âgées au Québec lors du printemps 2020. Vous ne regrettez pas ça, cette mauvaise gestion-là, M. Legault? Bien sûr que cette question n'a pas été posée à lui par l'animateur vedette. Probablement que les questions ont été épluchées à l'avance par le conseiller en communication de François Legault pour que des questions qui soient posées de manière à ne pas le faire mal paraître. Et c'est sûr que c'était particulier de voir le jour de commémoration en lien avec la crise du coronavirus qui a été nommé à la date du 11 mars de l'année présente, où ils se sont réunis habillés en noir. Et c'est sûr qu'il y a une commémoration par rapport aux gens qui sont morts du coronavirus. Écoutez, ça aide des gens à faire leur deuil par rapport à la perte d'être cher. Ça, j'ai pas de problème par rapport à ça. Par contre, là où ce que j'en ai un, c'est que c'est les mêmes personnes qui ont permis à cette crise-là d'être possible en faisant une mauvaise gestion du réseau de la santé, donc l'élite politique québécoise, qui sont les mêmes personnes qui vont dire qu'il y ait des gens décédés, ça leur fait de la peine, puis nos pensées vont pour eux autres. Mais moi, je trouve ça d'une très grande hypocrisie, parce que c'est les mêmes personnes qui ont permis à ce que les réseaux de la santé, entre autres, ont été mal gérés depuis plusieurs années. Puis ça, c'est peu importe les partis politiques là, au Québec là, confondus, que ce soit les partis québécois, le Parti libéral, donc toute la gang qui, au fil des décennies, ont fait en sorte qu'il y a une mauvaise gestion du réseau de la santé, qui a permis, par exemple, des gens qui, dans des résidences de personnes âgées, se sont ramassés en situation de dénutrition. Puis finalement, ben, il y en a peut-être une partie d'entre eux qui sont pas morts du coronavirus, mais tout simplement morts du fait qu'ils sont ramassés sans nourriture parce qu'il n'y a pas assez de préposés pour les aider, puis aussi d'isolement. Donc, les gens qui sont tout seuls longtemps, c'est ennuyeux. Donc, qui ont vécu différentes souffrances liées à une forme de négligence. Et c'est sûr que le gouvernement a tout intérêt à dire que bon, ça lui fait de la peine, tout ça, parce que ça lui permet de bien paraître aux yeux du peuple, à la population. Puis là, les gens vont trouver ça sympathique. Ils vont dire « Ah, voyez-vous, le gouvernement est humain, il a fait une journée de commémoration par rapport aux gens qui sont morts du coronavirus. » Ouais, mais c'est parce qu'il faut réaliser que il y a une espèce d'hypocrisie derrière ça, parce que c'est les mêmes personnes qui ont rendu la crise possible en permettant à ce qu'il y ait une mauvaise gestion du réseau de la santé qui fait en sorte que le virus s'est entre autres propagé dans des résidences de personnes âgées, parce que les préposés qui passent d'une résidence à l'autre au printemps 2020, bien, ça a permis, ça a favorisé la propagation du virus. Faut pas être naïf par rapport à ça, là. Donc, c'est ça qu'il faut réaliser là, par rapport à tout ce qui se passe. C'est sûr, c'est une opération politique qui se déroule présentement par rapport à l'idée de mettre tout le temps l'emphase sur la menace, parce que ça permet au gouvernement de François Legault d'avoir les deux mains là, sur le volant puis justifier des actions qui, autrement, ne le seraient pas dans sa gestion de crise. Et puis, bon, là voyez-vous, là, je voulais faire une petite capsule parce que je parlais un peu de la crise, de faire un petit commentaire. Et c'est sûr qu'un des éléments que je voulais vous parler, c'était le mode de vie qui s'installe depuis un an. Donc, en crise covidienne, le mode de vie qui s'installe pour les citoyens, c'est celui-ci. Donc, les gens sont appelés à faire du télétravail sous pression gouvernementale, donc de travailler à chez eux. Ensuite, pour les étudiants, formation à distance, donc étudier de chez eux devant l'ordinateur. Et on nous dit d'éviter les contacts sociaux, donc dont les contacts à caractère sexuel. Donc la ministre de la Santé, Thérèse Tam, invite les gens à la masturbation. Donc celle qui dirige la santé au Canada, il y a des articles qui ont paru là, par rapport à ça. Elle dit que c'est une façon sécuritaire de vivre sa sexualité puis d'éviter la propagation du coronavirus. Fait que le mode de vie qui est proposé aux gens ce début de crise, hein, c'est depuis 2021, mais en début de cette nouvelle ère de coronavirus, c'est celui de la personne qui passe son temps tout seul chez lui. On nous dit aussi qu'il faut éviter les contacts sociaux. Donc, la fête de Noël, on oublie ça. L'année passée, il n'y a pas eu de fête de Pâques, puis la manière que ça s'aligne, les gens ne sont pas autorisés de se rassembler là, en famille, sans doute, pour fêter Pâques là, en cette année 2021. Donc, en faisant ça, bien, on isole les gens, puis c'est toujours d'être seul devant l'ordinateur, donc seul pour jouer à des jeux de hasard. Hein? Les gens, dans le fond, vont les inviter à rester chez eux pour ou des jeux vidéo. Au lieu de faire des jeux ou des sports en collectif, comme jouer au football, jouer au hockey, non, ça, c'est pas permis. Donc, c'est toujours rester chez soi pour le travail, chez soi pour les études, chez soi pour la sexualité, chez soi pour les jeux, seul. Et c'est sûr que implicitement à travers ça, c'est un mode de vie où les gens sont gardés devant des écrans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui passe à travers un écran peut être surveillé à distance. Toutes les données peuvent être enregistrées à distance. Donc, tout ce que vous entendez dans votre ordinateur ou que vous voyez sur votre écran, ben, tout ça, ça peut être sauvegardé naturellement. C'est sûr que, dans le fond, le mode de vie qui s'installe est propice à l'espionnage massif des citoyens. Donc, plus qu'on est devant des ordinateurs en contact avec du numérique, puis plus que ce qui est produit comme des courriels, des messages sur Facebook, des vidéos, plus que ça peut être surveillé, observé à distance. Même chose pour les contacts sociaux. Si tu ne peux plus voir les membres de ta famille en personne, ben là, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est la multiplication des contacts avec des plateformes comme Zoom là, pour faire des télé-rencontres. Il y a des gens qui vont fêter Noël avec Zoom ou différents événements, ou les messages par courriel ou Facebook, mais tous ces messages-là qui sont produits peuvent être sauvegardés et entreposés sur des grandes banques de données, là, des big data qui existent. C'est l'infrastructure technologique actuellement où la quantité d'entreposage de données devient de plus en plus facile avec l'augmentation des performances des ordinateurs et des unités de stockage. Bien, ça permet de plus en plus d'avoir des dossiers très étayés là, sur certaines personnes sur Internet. Là. C'est ça qu'on voit là, apparaître. Et ça modifie les rapports sociaux. D'où l'idée que je parlais tantôt, là, si j'étais un extraterrestre qui regarderait les choses de l'extérieur. Donc, si je ne serais pas pris à vivre l'événement, comme vous tous qui m'écoutez présentement, ben, je ferais sans doute une étude sociologique sur qu'est-ce qui se passe sur la Terre avec le coronavirus. Puis les changements sociaux en termes de mode de vie là, qui s'installent là, en relation avec la crise. Et c'est sûr que je regarderai aussi qu'est-ce qui va se passer là, par rapport à la vaccination de masse, comment que les gens vont réagir. Donc là-dessus, je vais compléter cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.